L'utilisation de panneaux solaires fait partie de ces technologies dites propres et à ressources illimitées. Mais comment cela fonctionne-t-il? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Est-ce une technologie si propre que cela? Et quelles sont les améliorations à attendre de l'avenir? Si comme moi, vous vous posez ces questions, alors restez à l'écoute. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2012. Bienvenue sur Podcast Science. Bonsoir à tous, c'est Marco qui vous ouvre la porte du podcast ce soir. C'est l'épisode numéro 70. Mais bien entendu, je ne suis pas seul ce soir parce que je suis avec mes comparses d'émission. Honneur aux dames, il y a Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et puis bien sûr, il y a Franck. Salut Franck. Salut Marco. Tu dis 70, toi? Non, je dis pas 70, mais c'était un petit truc entre Alan et moi. Ah ok, d'accord, parce que j'étais surpris, je commençais à trouver ça contagieux. Ouais, c'est ça, je me mets à parler le suisse maintenant. Voilà. Et puis enfin, bien sûr, il y a celui que les Américains nous envient, celui sans qui Podcast Science ne serait pas Podcast Science, le professeur Phone. Salut Alan. Salut Marco, je sais pas si c'est une bonne idée de te laisser les commandes de l'émission. Mais si, tu vas voir, on va s'amuser. Mais bravo pour les 70, c'était parfait, on s'y serait cru. Voilà, donc ben, ce soir, Alan, c'est toi qui es de corvée de dossier. Donc tu nous as préparé un dossier sur sur le photovoltaïque, c'est bien ça? Exactement, ouais. Un Ok. dossier que j'ai nommé Solaire cherche futur. En fait, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, c'est notre ami George X. McKee. Je vais attaquer tout de suite. Donc, vous l'avez sans doute entendu, il y a un mème qui circule dans les petits milieux de la promotion des énergies renouvelables, qui dit le soleil fournit à la Terre assez d'énergie en une minute pour couvrir les besoins énergétiques d'une année. En une journée, le soleil nous fournit de quoi tenir plus de 27 ans. Alors moi, je me suis acharné pendant plus d'une heure à essayer de tenter de trouver l'origine de cette citation, qui est jamais mentionnée nulle part par personne, pour remonter à une source académique digne de ce nom avant de la partager avec vous. C'est une comparaison assez spectaculaire. Fini par trouver quelque chose d'assez approchant. En fait, c'est pas en une minute que le soleil nous fournit toute cette énergie, mais en 90. Comment on dit 90 en bon français, Marco? 90, Ouais. c'est 90. Ah non, mais Yeah. non, je m'insure, je peux pas laisser faire ça là. Bah, t'as pas le C'est choix. quoi cette. Moi je ne dirai jamais 90. Bon, bref. On verra ça, on va en discuter les deux. Donc la citation correcte est, je vous la fais en anglais, in 90 minutes. Vous remarquerez que les Anglais disent 90, pas 80, 10. In 90 minutes, enough sunlight strikes the earth to provide the entire planet's energy needs for one year. C'est-à-dire en 90 minutes, 90 minutes, la quantité de lumière du soleil qui frappe la Terre suffit à satisfaire les besoins de la planète pour une année entière. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'indique dans une étude publiée en décembre 2011 sur l'énergie solaire et ses perspectives. Mais bon, ce mème n'est pas la seule information erronée qu'on peut lire sur l'Internet quand on cherche des informations sérieuses concernant les énergies renouvelables. Les militants d'un bord comme de l'autre sont pas très regardants quant à leurs sources et c'est assez effrayant. Je pense que Marco est plus habitué à ce genre de problème en préparant ses dossiers sur l'évolution quand les créationnistes envahissent le net. Oui, c'est vrai qu'Internet, c'est un super outil pour s'informer, mais faut vraiment se méfier parce que c'est un peu le retour du bâton, comme on dit. On trouve un peu tout et n'importe quoi, quoi. Ouais, effectivement. Donc là, pour ce dossier, moi, j'ai eu un mal fou à le monter en vérifiant toutes mes sources. Ça m'a pris 3 fois plus de temps que d'habitude. Enfin bon, pour en revenir à notre petite citation, que ce soit en version erronée ou corrigée, moi, ce que j'en retiens, c'est que le soleil nous fournit une énergie phénoménale et gratuitement par-dessus le marché. On a l'impression qu'il n'y a qu'à le collecter pour que tous nos problèmes d'approvisionnement d'énergie et les conflits qui en découlent soient résolus. D'ailleurs, les plantes tirent l'essentiel de leur énergie du soleil via la photosynthèse. Alors, on peut se poser la question, ne pourrions-nous pas être aussi malins pour une fois que les plantes et en faire autant? Mais est-ce vraiment si simple? Dans ce dossier, on va commencer par poser quelques fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque? Comment ça marche? Quel est le mécanisme qui permet de prendre en entrée des photons de la lumière du soleil et de produire en sortie les électrons prêts à recharger nos indispensables gadgets? On va essayer aussi de comprendre les limitations de la technologie des cellules photovoltaïques qu'on trouve dans les panneaux solaires et ainsi comprendre pourquoi nous n'en voyons pas partout. Parce qu'on peut se poser la question, si le soleil nous envoie effectivement autant d'énergie, pourquoi ne pas recouvrir les zones inhabitées du Sahara de panneaux solaires? Et pourquoi pas carrément des centrales solaires spatiales pour bénéficier d'un ensoleillement 24 heures sur 24? Finalement, on s'intéressera aussi à l'avenir de cette technologie. On se demandera si les panneaux doivent nécessairement être noirs, rigides, lourds et moches, ou bien si les cellules de deuxième et troisième génération, qui sortent essentiellement des centres de recherche suisses d'ailleurs, Cocorico, enfin Coucou, je sais pas comment on dit Cocorico en version suisse, ça doit être Coucou, logiquement. Donc est-ce que ces nouvelles générations de cellules nous promettent autre chose? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va essayer de balayer. Puis on va commencer par les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est tout d'abord l'effet photovoltaïque. Donc le phénomène physico-chimique qui a permis l'émergence de cette technologie s'appelle l'effet photovoltaïque. C'est un phénomène très proche de l'effet photoélectrique qui a été pour la première fois observé en 1838, donc ça commence à dater, par Alexandre Edmond Becquerel et son père, Antoine César Becquerel, respectivement le père et le grand-père d'Henri Becquerel, co-découvreur de la radioactivité aux côtés de Pierre et Marie Curie. Donc c'est une sacrée dynastie de physiciens. Et les Becquerel, donc grand-père et père, s'amusaient à observer le comportement électrique d'électrodes immergées dans un liquide et se sont rendu compte que ce comportement était modifié en présence d'un éclairage. Certains métaux émettaient spontanément des électrons lorsqu'ils étaient soumis à la lumière. Mais ça fonctionnait qu'à certaines fréquences, à partir d'un certain seuil. Et c'était inexplicable avec les connaissances en physique de l'époque. Alors c'est Albert Einstein qui fut le premier à comprendre le phénomène, en Attends, remettant... excuse-moi, Alan, Ouais? juste une question. Donc les deux Becquerel qui ont découvert ça, ce sont le père et le grand-père d'Henri Becquerel, c'est ça? Celui Exactement, qui est ouais. connu pour. D'accord. Ok. Ouais, son père, d'ailleurs, n'était pas encore un chercheur attitré. Il avait 19 ans à ce moment-là, mais voilà, son papa lui avait transmis la passion. Puis c'est son père qui a présenté le dossier à l'Académie des sciences à l'époque. D'accord, donc c'est vraiment une histoire de famille, la science chez les Becquerel. Ouais, il y aurait de quoi faire un roman, effectivement. Et puis donc, je disais que ce phénomène était inexpliqué. On savait pas, on comprenait pas pourquoi ça ne marchait qu'à certaines fréquences à partir d'un certain seuil. Et c'est Einstein qui a été le premier à comprendre le phénomène en remettant en question la lumière, fondamentalement. Donc c'est lui qui a formulé l'hypothèse que le rayonnement électromagnétique était fait de grains de lumière porteurs d'énergie. Puis ces grains d'énergie, il avait raison, on les a rapidement rebaptisés photons. Et puis c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est intéressant, c'est pour ses travaux sur la nature de la lumière et l'explication du phénomène photoélectrique qu'Einstein avait reçu son prix Nobel de physique en 1921. Pas du tout pour ses deux théories de la relativité qui ont également changé la face du monde à plus d'un titre et puis qui évoquent spontanément Einstein. Enfin bref, Une idée pardon. reçue en moins alors. Hein. Exactement. Moi j'avais Et puis... une petite question Alan à ce Ouais. stade-là. Comment ils observaient les électrons qui se détachaient des électrodes? C'était pas un courant en fait? Bah, c'est une excellente question, j'en sais rien. J'ai pas D'accord. creusé jusque-là. C'est vrai que les Je pense électrons, on peut qu'ils pas les observaient un observer courant à entre les l'œil deux. nu. Ouais, Ils sans devaient doute. observer un courant entre les deux électrodes quand il y avait de la lumière. Non, Ou sans avec doute. une loupe. Ouais, Non, avec une pas, grosse non. loupe, Je pense que ouais. Je même plaisante. avec un microscope électronique, les électrons, Non, il devait y c'est avoir pas un encore courant, je ça. pense, ouais. Ouais. Donc voilà, pour en revenir à nos définitions, ça c'était l'effet photoélectrique, donc l'émission spontanée d'électrons par un métal lorsqu'il est exposé à la lumière ou à un autre rayonnement électromagnétique de fréquence élevée. Concrètement, on s'en sert essentiellement pour des détecteurs, pour des capteurs vidéo et pour des systèmes de vision nocturne. L'effet photovoltaïque, celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est un petit peu différent. Si on en croit notre ami Wiki, l'effet photovoltaïque est obtenu par absorption des photons dans un matériau semi-conducteur qui génère alors des paires électrons-trous, créant ainsi une tension ou un courant électrique. J'ai lu ça la première fois, pour moi c'était un peu du chinois, mais on va décrypter tout ça ensemble. Donc, la différence entre les deux phénomènes, c'est que dans l'effet photovoltaïque, l'électron passe à travers plusieurs bandes du semi-conducteur, où il va accumuler de la tension entre deux électrodes, et les électrodes fournissent un courant électrique continu directement exploitable pour recharger nos très chers et indispensables téléphones portables. Quand tu parles de bandes, Alan, c'est les bandes d'énergie, c'est ça? Non, ça, c'est les différentes bandes qui composent les semi-conducteurs. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, il y a tout un domaine qui s'appelle la théorie des bandes. On va pas entrer là-dedans, mais on va essayer de se représenter ça de manière un peu schématique. Si on prend, donc on va décrypter une cellule photovoltaïque. En fait, de l'effet photovoltaïque à la cellule, il y a qu'un pas, ou plutôt deux couches. Si on prend une plaquette de silicium et qu'on l'expose à la lumière, bah, celle-ci va naturellement libérer quelques électrons, un peu comme le métal dans l'effet photoélectrique. Mais bon, à l'air libre, comme ça, 3-4 électrons qui se courent après, c'est pas d'une grande utilité. Si on veut exploiter l'énergie solaire, on prend une première couche de silicium, on la dope au phosphore. Et du coup, elle se retrouve subitement bourrée d'électrons. Il y a un déséquilibre. Notre morceau de silicium devient un semi-conducteur de type N, N pour négatif. On prend une seconde couche de silicium qu'on dope cette fois avec du boron. Et elle se retrouve subitement en déficit d'électrons, pleine de trous. Et notre deuxième morceau de silicium devient un semi-conducteur de type P. P pour... Positif. Ah, il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Ah, C'est-à-dire que, en j'ai le fait, droit à quelque chose? Non. c'était sage. En fait, le silicium a 4 atomes de liaison, c'est ça? Et quand tu mets du bore, le bore a que 3 atomes de liaison. C'est bien ça? Sans Oui, doute. Et du coup, ouais, c'est ça, ça crée un trou. Ok. ouais. D'ailleurs, j'ai dit Et boron, le t'as raison, on dit phosphore, par bore, hein, contre, il en franchement. a 5. Et le phosphore en a 5, ouais. Si je ne Yep. m'abuse. Ouais. Alors ça n'engage que vous, hein. Je ne suis pas allé Ça vérifier. n'engage que nous, voilà. Donc, en gros, le cœur d'une cellule photovoltaïque n'est constitué que de ces deux couches de silicium. Excité par les photons, donc de la lumière du soleil, les électrons trop nombreux d'un côté N, et les trous d'électrons trop nombreux de l'autre n'auront qu'une idée en tête, si je puis me permettre la métaphore, c'est rétablir l'équilibre en se promenant allègrement entre les deux couches. Et si on place judicieusement un conducteur pile entre les deux, ben on récupère le courant électrique. Le tour est joué, l'iPhone est rechargé, on peut appeler pour dire qu'on est en retard pour le dîner, les inquiétudes retombent, bref, tout le monde est heureux. Alors une petite digression quand même pour souffler un peu, pour assimiler tout ça. Silicium en français se dit silicone en anglais, sans E. Quand on parle de la Silicon Valley, c'est la vallée du silicium, c'est pas la vallée du silicone, qui est un polymère contenant du silicium. Voilà. Ah ben encore C'est un nouveau bruité. mythe que tu fais effondrer ce soir. Ouais, ça me fait plaisir de casser du mythe comme ça. Alors voilà, on va regarder un petit peu les limitations physiques. De la technologie. Donc, on améliore sans arrêt le rendement des cellules photovoltaïques, mais il y a quand même une limite. Elle porte même un nom, cette limite, c'est la limite de Shockley-Quaisser, du nom de William Shockley et Hans Quaisser, qui l'ont calculé en 1961. En gros, le nombre d'électrons qui peut passer dans une jonction PN, c'est-à-dire entre le côté positif et le côté négatif, est limité. Et l'efficacité d'une cellule solaire de ce type ne peut pas dépasser 33,7%. On pourrait atteindre 86%, mais il faudrait que les rayons du soleil soient préalablement compactés au moyen d'un système optique. Et puis, bah, cette limite des 33,7%, on est gentiment en train de l'atteindre. Si les cellules qu'on trouve sur le marché plafonnent en moyenne à 14-19% d'efficacité, on sait par contre en produire en laboratoire qui atteignent un rendement de 25%. Donc on est plus très loin des 33,7. Mais bon, il y a également des cellules qui ont plusieurs jonctions PN, et là on arrive à plus de 42%. Et quand on parle de rendement ou d'efficacité, ce qu'on cherche à représenter en fait, c'est la proportion d'énergie reçue qu'on arrive à transformer. Si les rayons du soleil émettent une puissance de 1000 watts par mètre carré, par exemple, bah des panneaux solaires dont la puissance crête, c'est-à-dire au meilleur de leur forme, au meilleur de la journée, dont la puissance crête est de 15%, parviendront à produire 150 watts par mètre carré au meilleur de la journée. C'est ça que ça veut dire, cette histoire de D'accord. 14% ou 18%. C'est la proportion finalement d'énergie qu'on arrive à convertir en électricité. Et puis, une des questions que je me posais avant de préparer le dossier, c'était pourquoi est-ce qu'on met toujours les panneaux solaires sur les toits et puis pas sur les trottoirs, par exemple? Ben, c'est essentiellement pour optimiser le rendement. Justement, pour atteindre le maximum, pour se rapprocher le plus possible de la puissance crête. Et puis, d'ailleurs, à ce propos, un immense merci à Lucille qui m'a donné un coup de main sur cette partie du dossier que j'ai le plaisir de citer ici. Donc, elle nous dit « Il existe diverses raisons pour lesquelles on privilégie l'installation des panneaux solaires sur les toits. D'abord, une raison pratique. Élevée sur un toit, une installation photovoltaïque n'empiète pas sur l'espace vital. » Voilà. Il y a une raison esthétique aussi. Les panneaux solaires sont plus discrets à cet emplacement. Et puis, il y a surtout la raison technique, la principale. C'est que cette position permet d'optimiser le rendement des cellules photovoltaïques. Et le rendement d'un panneau solaire varie en fonction de la puissance des cellules, mais aussi selon son exposition aux rayons du soleil. Donc il est primordial, avant d'installer une telle structure sur son toit, d'évaluer l'emplacement au niveau duquel le panneau solaire bénéficie d'un maximum de rayons du soleil. Et cette exposition du panneau se calcule grâce à l'angle d'incidence. C'est l'angle qui est formé par les rayons du soleil et le plan du panneau. Et pour exploiter au mieux la ressource solaire, l'angle d'incidence doit être le plus proche possible de 90 degrés. 90, c'est donc, en bon français, un angle droit. 90. Magnifique. Merci Marco. T'auras une récompense. Franck sera plus. Et puis donc, pour arriver à cet angle d'incidence optimal de 90 degrés, il faut respecter les paramètres suivants. Il faut une orientation du panneau vers le sud, et puis une inclinaison du panneau de 15 à 50 degrés, 30 étant l'idéal par rapport à l'horizontale. Et accessoirement, il y a un autre avantage indirect, c'est que cette inclinaison permet d'éviter l'encrassement du panneau photovoltaïque, ce qui évidemment réduirait la production d'électricité. Et ce serait un des problèmes également si on recouvrait nos trottoirs. Déjà, des trottoirs inclinés à 30 degrés, je suis pas sûr que ce soit forcément le pied, mais en plus, ils s'encrasseraient évidemment, il faudrait les nettoyer tout le temps. C'est pas les seules limitations, il y en a d'autres. La lumière du soleil, on l'a vu, elle est gratuite, elle constitue une manne intarissable, en tout cas pour les 5 prochains milliards d'années. Et d'ailleurs, il est intéressant de relever que, à part le nucléaire, la géothermie et les centrales marémotrices, donc les moulins à marée, pratiquement toutes les autres énergies sont plus ou moins directement issues du soleil. Mais même le pétrole et le gaz, quand on y pense, si on remonte la filière jusqu'aux origines, c'est une forme de stockage de l'énergie du soleil. Le soleil a permis la production des composants organiques qui les constituent à un moment ou à un autre. Alors pourquoi ne tapons-nous pas davantage dans cette source formidable d'énergie? Tout simplement parce que si la lumière du soleil est gratuite, en tout cas encore gratuite, personne n'a pensé à nous la facturer, la fabrication des panneaux solaires, installation... parce que c'est pas fini encore, ça risque d'arriver un de ces jours peut-être. Ouais, je sais pas si quelqu'un a pensé à breveter la lumière du soleil. Je sais pas si c'est brevetable d'ailleurs, mais il doit forcément y avoir un petit malin qui y a pensé. Enfin, pour le moment, ça va, c'est gratuit. Non, moi j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait c'était une parodie de gens de... qui vendaient les chandelles, qui voulaient interdire le soleil pour concurrence déloyale. Ah ouais, voilà, c'est un peu l'esprit. C'était parodique, mais bon, voilà. Christophe, sur les commentaires, nous dit que si, Monsieur Burns dans Les Simpsons. Ah ouais, voilà. j'ai pas vu cet épisode-là. Si Christophe peut nous retrouver l'épisode, ça m'intéresserait beaucoup. Mais ça m'étonne pas du tout du personnage. C'est tout à fait dans ses cordes. Si la lumière du soleil elle est gratuite, la fabrication des panneaux solaires, leur installation, la transformation et le transport du courant ont évidemment un coût. Un coût pas tout à fait négligeable, même si on constate une nette baisse depuis que la Chine domine la production des cellules photovoltaïques. Selon un rapport de Bloomberg Energy Finance de 2010, les coûts de production des panneaux à puissance égale, en watts ou en mégawatts, a chuté de 50% entre fin 2008 et fin 2009. Pour les périodes ultérieures, j'ai trouvé toutes sortes de chiffres, mais rien de fiable encore. En tout cas, 50% en moins d'années, c'est déjà énorme. Il y a bien sûr un lien sur le rapport, c'est un gros fichier PDF qu'on trouve dans le dossier. En parenthèse, pour ceux qui nous suivent en live, le dossier est déjà sur le site. Si vous voulez suivre, il y a quelques illustrations. Voilà, sur le prix comparé du kilowattheure d'électricité produite via les installations solaires par rapport aux autres filières, là aussi les sources que j'ai pu trouver varient énormément selon qu'elles émanent de partisans du nucléaire, de promoteurs des énergies renouvelables, de fabricants de cellules ou de vendeurs de panneaux. Ça, c'est tout le drame de la préparation de ce dossier d'ailleurs. Tantôt on prend ou non en compte les compensations carbone des centrales à charbon, par exemple, dans le calcul des coûts. Tantôt on prend ou pas le coût de démontage des centrales nucléaires dans le calcul. Et puis bon, si on arrive à se mettre d'accord sur une méthodologie, il faudrait encore prendre en compte les énormes variations régionales. Amortir son installation solaire prend forcément plus de temps sous un ciel nuageux britannique qu'en Australie, par exemple. Et ça influe évidemment énormément sur le prix de revient du kilowattheure photovoltaïque. Donc, devant ces difficultés, j'ai préféré renoncer à une comparaison plutôt que raconter n'importe quoi, parce qu'en gros, selon la perspective, le kilowattheure photovoltaïque est entre 2 fois moins cher et 3 fois plus cher que le nucléaire, no comment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur un marché donné la comparaison du prix de l'électricité photovoltaïque avec le prix du courant du réseau qu'on trouve dans la prise à la maison. Et selon un rapport récent, toujours de Bloomberg Energy Finance, un rapport qui date de juin 2011, la chute vertigineuse des prix de fabrication des panneaux de ces dernières années permet désormais aux installations domestiques dans les régions bien ensoleillées d'atteindre la parité par rapport au prix du réseau. Là, c'était une étude qui a été faite aux États-Unis. On parlait de 20 cents américain par kilowattheure pour le solaire, contre 20 à 25 cents pour le courant du réseau. Et Attends, selon mais là, le... ce que moi je comprends pas. Ouais. Quand tu dis 20 cents le kilowattheure pour le solaire, c'est en fait c'est l'amortissement du coût de production du panneau. Exactement. Ouais. Parce qu'après ça coûte plus rien, on est d'accord. Absolument. Et en fait cet amortissement, il est calculé sur une durée d'exploitation de combien de temps? À peu D'après près ce quoi? rapport-là, je crois que c'était 25 ans. En 25 fait, il est ans et calculé c'est sur la durée de vie du panneau. Et les panneaux ont bien la durée de vie qu'on leur prête, quoi, dans les... Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, absolument. ok. Je pensais pas que ça durait 25 ans quand même. En Bah ouais, c'est général, vrai que ça fait long. ils sont garantis 25 ans par les fabricants, puis après ils commencent à décliner, ils deviennent moins performants. Mais d'autres calculs se basent sur une espérance de vie de 30 ans. On y viendra d'ailleurs un petit peu plus loin. Ah ok, d'accord. Et puis donc selon le Guardian, qui cite une étude de Ernst & Young, malheureusement plus en ligne, le prix des installations va encore baisser de manière significative d'ici 2013. On devrait arriver à la moitié du prix de 2009. Et compte tenu de plein d'autres critères économiques encore, je vous laisserai le soin d'aller lire l'article du Guardian, qui quant à lui est encore en ligne. Dans 10 ans, il sera définitivement plus intéressant pour les gros consommateurs de se tourner spontanément vers ce type d'installation plutôt que vers les sources traditionnelles d'approvisionnement électrique. Voilà. Alors la question que je me suis posée après, parce qu'on entend pas mal de, il y a pas mal de remous là-dessus, est-ce que c'est une énergie vraiment propre? On peut se poser la question de l'impact environnemental de la production des panneaux solaires, parce qu'ils tombent pas du ciel, quoi. Il faut les fabriquer, ça demande de l'énergie, ça demande des matériaux plus ou moins polluants. Et puis là aussi, on entend absolument tout et son contraire sur Internet. Heureusement, il y a de temps en temps une publication scientifique contenant des informations vérifiées. J'ai notamment trouvé une étude de chercheurs de New York et des Pays-Bas qui, en gros, démontre que le cycle de vie complet des panneaux photovoltaïques, même de première génération, on verra plus tard ce que c'est que ces histoires de génération, est l'une des plus propres en comparaison avec toutes les autres technologies de production d'électricité. Et les cellules fines, dites de deuxième génération, sont plus propres encore, parce qu'elles utilisent simplement moins de matières premières. Et en fouillant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte que le souci n'était pas tellement du côté de la fabrication des cellules, en réalité, mais plutôt dans le transport et la fin de vie des panneaux. Donc sur le transport d'abord, faut savoir que les panneaux solaires viennent essentiellement d'Asie. En 2010, les 2 tiers de la production mondiale se partageaient entre la Chine, Taïwan et le Japon. Et la Chine a quintuplé sa production entre 2007 et 2010. Donc c'est un acteur relativement nouveau, hein, finalement, un acteur relativement nouveau sur ce Ah, marché. il doit encore avoir des petits Chinois qui fabriquent des panneaux solaires dans des caves alors. Ouais, alors là, on peut se poser la question des conditions de fabrication, effectivement. Parce que la Chine est en train de devenir le numéro un mondial, loin devant tout le monde, et c'est pas fini. Parce que la Chine avait déjà doublé ses objectifs solaires pour 2015, après Fukushima, et ils viennent de les augmenter de 50% à fin 2011, en les portant à 15 gigawatts, ce qui dans le domaine est juste énorme. Bon, ceci dit, sur la question du transport, il faut savoir que le plus gros marché, c'est justement la Chine, donc les panneaux solaires sont essentiellement consommés en Asie. La Chine seule détenait près de 50% du marché mondial en 2010 et c'est pas prêt de baisser. Ça, c'est pour le transport. Sur l'élimination des panneaux, Jusqu'à récemment, absolument rien n'était organisé, ni par les industriels, ni par les autorités, pour la collecte et le recyclage des panneaux solaires. Et selon Usine Nouvelle, si, sorry, j'ai bossé avec les sources que j'avais à disposition. Donc, c'est un journal des industriels, enfin, un journal de l'industrie français. En Europe, en 2006, l'industrie photovoltaïque générait moins de 6 000 tonnes de déchets. Mais avec une croissance de 35% par année, compte tenu de l'espérance de vie moyenne justement de 25 ans des panneaux, quelques 130 000 tonnes sont attendues en 2030, ce qui peut commencer à devenir un véritable souci. Mais bon, il y a un marché pour la récupération du silicium, et l'industrie allemande est en train de donner le la de la filière du recyclage. Et côté français, il y a une réglementation qui exige depuis le 1er janvier 2012 que tous les aspects du cycle de vie soient pris en compte avant installation d'un panneau solaire. Ah, j'ai une question, Alan. C'est renouvelable. Le silicium, c'est illimité comme ressource? Oui, Moi, je crois que oui. c'est l'élément le plus Répandu, ouais. courant, le plus répandu dans la croûte terrestre. Alors, c'est un élément extrêmement répandu, effectivement, mais il faut qu'il soit d'une pureté exceptionnelle pour Oui, il fonctionner faut au le panneau choix, faut le solaire. distiller, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais donc, il le recycle uniquement pour faire attention à l'environnement. C'est pas pour récupérer le silicium. Écoute, j'ai pas lu d'informations là-dessus, mais je pense qu'on doit le recycler pour en refaire des panneaux solaires, en réalité. Ah oui, parce qu'il est déjà bien pur, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Exactement. Ouais. D'accord. Et puis d'ailleurs, j'ai découvert en préparant le dossier qu'on utilise du silicium de synthèse. Mais bon, j'ai pas trouvé Ah de oui, source parce qu'il n'y a même fiable, pas du coup, besoin je de l'ai pas. le... Ouais. Je l'ai pas mis noir sur blanc dans le dossier. Mais enfin, c'est quand même intéressant parce que là aussi, j'ai lu toutes sortes de trucs sur les. Attends, mais du silicium de synthèse, c'est-à-dire fabriqué à partir de quoi? Voilà, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Bon, ok. Je ferai mes devoirs, une fois, c'est promis. J'irai regarder, ou peut-être Non, que non, c'est quelqu'un moi qui pose des peut nous lâcher un questions. commentaire. Voilà, Ok. donc bon, pour conclure sur les aspects environnementaux, j'ai encore trouvé une étude. Il y a également le lien dans le dossier, une étude du Laboratoire national pour l'énergie renouvelable aux États-Unis, commandée par le département américain de l'énergie, et basée sur des recherches indépendantes néerlandaises et japonaises, qui indique que le payback énergétique, donc le payback en anglais, c'est le retour sur investissement énergétique de la technologie, est atteint après un an pour les meilleures cellules, donc celles de deuxième génération, on va voir ça dans un instant, et de 4 ans pour les cellules de première génération. Donc ça ne veut pas dire que le panneau solaire est amorti en 4 ans, hein. Ça veut dire que l'énergie qu'il a fallu mettre dedans pour le fabriquer, finalement est restituée par le panneau solaire pendant les 4 premières années, puis ensuite c'est tout bénef à ce niveau-là. Bon, et puis bon, là, ce calcul a été fait sur la base d'une espérance de vie théorique de 30 ans environ. Voilà. La question suivante que je me suis posée, c'est pourquoi pas une centrale solaire dans le Sahara? Parce que bon, un des problèmes, c'est qu'on consomme pas toujours l'énergie là où le soleil brille. Et puis c'est une vieille idée de recouvrir les zones inhabitées du Sahara de panneaux solaires. Vieille parce qu'elle a été évoquée la première fois, en tout cas c'est documenté pour la première fois par un inventeur américain qui s'appelait Frank Shuman, et c'était en 1913. D'ailleurs, il a été le premier à créer la première centrale thermique en Égypte à cette époque-là, justement, en 1912-1913. C'était un vrai fou comme je les aime. L'idée est régulièrement depuis classée et ressortie des tiroirs. Elle est drôlement séduisante sur le papier, mais elle n'a encore jamais été mise en pratique pour plusieurs raisons. D'abord, transporter l'énergie, ça a un coût. Les pertes, on saurait aujourd'hui les limiter à quelques 3% par 1 000 km, après conversion en courant alternatif à haute tension. Ce qui veut dire qu'après 4 000 km traversés, grosso modo, j'ai pris un point au hasard en Libye, dans le Sahara, jusqu'à Genève, pour mon calcul, ça fait environ 4 000 km, on aurait paumé 12% du courant généré. Ensuite, le soleil ne brille que 12 heures par jour au maximum, même à l'équateur, donc on aurait quand même un problème la nuit, et c'est surtout là que l'éclairage peut être utile. Les panneaux solaires sahariens seraient soumis à des conditions extrêmes. Alors évidemment, on pense tout de suite aux tempêtes solaires, mais le problème numéro un, en réalité, serait la chaleur. Et pour éviter d'endommager les panneaux solaires, il faudrait les refroidir avec de l'eau. On commence déjà à avoir un petit souci. Et puis, c'est pas tout. Tu parles des Oui, tempêtes solaires? pardon? Les tempêtes solaires, t'as dit? J'ai dit des tempêtes solaires, hein. Je pensais C'est les tempêtes de sable, en fait. c'est les Ouais, tempêtes d'accord. de sable, bien sûr. D'accord, Ouais, ouais. ma langue a fourché. Je pense beaucoup au Parce qu'aujourd'hui, il y a soleil. une tempête magnétique solaire, je crois. Oui, alors il y en a souvent, ouais. Oui, il paraît. Bon, j'ai rien senti pour l'instant, mais il paraît. D'accord. On en avait parlé d'ailleurs, hein. Il y a un dossier qui traîne encore sur le site, c'était l'événement de Carrington. C'est drôlement plus préoccupant que la fin du monde version Maya. C'est un truc super intéressant. On pourrait théoriquement paumer toutes les données de nos ordinateurs Ah oui, et toute notre électronique pourrait cesser de fonctionner du jour au lendemain en cas d'orage magnétique assez Bah, violent. c'était arrivé une fois, je crois, c'est au Canada qu'ils avaient eu C'est une arrivé dans pure les années électrique. 80 au Canada. Effectivement, une centrale électrique ou hydroélectrique a été endommagée. Mais cet événement de Carrington, ça s'était passé à la fin du 19e siècle et ça avait attaqué à l'époque le seul réseau qui existait, qui était le réseau des télégraphes. Et puis les postes des opérateurs avaient pris feu. Enfin, c'était un véritable drame, quoi. Mais si ça arrivait aujourd'hui, interconnecté comme nous le sommes, ce serait vraiment problématique avec toute Et l'électronique on peut qu'on avait. faire quelque Enfin bon, chose? On peut faire quelque chose ouais, pour mais en profiter? c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, mais là, On y tu m'as reviendra. inquiété, là. J'espère. Donc pour en revenir à notre centrale dans le Sahara, ben c'est pas tout. Il y aurait évidemment la question du coût qui est pas négligeable. La fondation Desertec, qui cherche à mettre en place des solutions de ce type dans les déserts, estime que pour le Sahara, ça coûterait la bagatelle de 500 milliards de dollars. Et puis bon, le dernier problème, à mon avis, qui serait pas des moindres, c'est pas vraiment une limitation technique, ce serait la question du pipeline, de la sécurité du pipeline. On le voit déjà avec les oléoducs et les gazoducs, ça constitue un enjeu géostratégique majeur. Pourquoi en irait-il différemment avec les lignes à haute tension? Si, voilà, couper un seul fil permet de faire la pluie et le beau temps sur la politique internationale, je pense que ça deviendrait également un enjeu majeur. Donc voilà, le Sahara recouvert de panneaux solaires, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est pas pour demain. Alors, dans ce cas, on peut se demander pourquoi pas avoir les choses encore plus grand, avec une centrale solaire orbitale, par exemple. Et aussi incongru que ça puisse paraître, ben c'est un projet qui est pris très au sérieux. Ça fait plus de 40 ans qu'on y consacre des recherches. Et selon Wikipédia, c'est même la pré-étude la plus chère de la NASA à ce jour. Donc rien que pour évaluer la faisabilité, ça va coûter 50 millions de dollars entre 1978 et 1981. J'attends la traduction, s'il vous plaît, messieurs, madame. Oh, alors là, c'est trop compliqué, là. Huit 90... Ouais, entre 78 et 81, bravo. Ouais, 78. Magnifique, Hélène, Mais de toute t'auras façon... aussi une prime. Bon, ouais. Mais ces panneaux solaires dans l'espace, ça veut dire que tu aurais un fil pour amener le courant sur Terre. Alors Je non, comprends pas. justement. C'est intéressant. Depuis 2009, il y a un consortium d'entreprises japonaises qui s'y est mis également. Et puis en 2010, il y a des industriels européens de l'EADS qui ont annoncé un projet. L'idée est assez simple, c'est aller chercher le Soleil là où il est et le transmettre à la Terre, enfin transmettre l'énergie ainsi collectée à la Terre par une technologie sans fil, soit des micro-ondes, soit un laser infrarouge. C'est un peu de la Ah, ce serait science-fiction quand super même, marrant hein. comme idée parce que finalement. De l'énergie solaire en Wi-Fi, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Finalement, on Intéressant. reçoit des rayonnements en dehors de la Terre, puis on réémet des rayonnements pour les récupérer sur la Terre. Ça fait. Exactement. Ça, On arrête plus c'est de marrant bronzer, comme quoi. idée, je trouve. Mais enfin, je vais profiter pour poser une question de Manuel qui demandait des vaisseaux spatiaux comme dans Albator avec des voiles solaires en fait pour l'alimenter. Ça serait plus Comme dans simple. Albator. J'aime bien parce qu'on se représente tout à fait la scène. Bah non, c'est pas pour demain. Il y a la station spatiale internationale qui ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'elle est couverte de panneaux solaires. Elle tire toute son énergie. C'était d'ailleurs le seul moyen d'avoir de l'énergie à cet endroit-là. Elle tire toute son énergie de ses panneaux solaires, mais c'est vrai que c'est pas encore le vaisseau corsaire d'Albator. Ça, c'est clairement de la science-fiction. Et bah, si on en revient à notre hypothétique station spatiale orbitale, bah, les avantages, d'abord, ils seraient extrêmement nombreux. D'abord, le rayonnement est beaucoup plus intensif, hein, le rayonnement solaire en orbite que sur la Terre. Hors atmosphère, l'efficacité de la collecte d'énergie serait à 144% du maximum obtenu sur Terre. On bénéficierait évidemment de 24 heures d'ensoleillement par jour, au lieu de 12 en moyenne sur Terre. On éliminerait les problèmes liés à la météo. il n'y aurait pas d'interférence avec les plantes et les animaux. Et puis la transmission, ça c'est encore un point intéressant, la transmission serait possible à différents points de collecte sur Terre, pas forcément toujours le même. C'est si on avait une liaison filaire, évidemment, il n'y aurait qu'une connexion possible. Mais là, on pourrait viser différents endroits. Est-ce qu'on pourrait envisager, est-ce qu'on pourrait envisager que chacun puisse se connecter librement avec son iPhone à la station solaire pour le recharger? Ah, je pense qu'il faudrait viser juste. ouais, à mon avis, c'est pas pour demain. L'iPhone sera probablement un souvenir de vieillard qui fera bien rire les enfants. Ouais, ça sera dans les musées, l'iPhone. Ouais. Exactement. Parce qu'on pourrait rêver que tout le monde soit en fait sous tension en permanence, un petit rayon, un micro-rayon. Enfin bon, je m'égare un peu, mais... Mais pourquoi pas, alors, sans forcément recourir à une station orbitale, mais on va le voir un petit peu plus loin. Les nouvelles générations de cellules solaires pourraient permettre ce genre de choses. Mais pour le moment, on va finir avec notre magnifique centrale solaire orbitale. Donc on a vu les avantages. Maintenant, évidemment, si tout ça est très séduisant sur le papier, il faut quand même faire face à quelques petites bricoles, quelques petites broutilles, trois fois rien, comme acheminer tout ça dans l'espace. Par exemple, les coûts financiers et écologiques des lancements seraient juste exorbitants. J'ai trouvé une simulation intéressante sur la version anglaise de Wikipédia, qui nous dit la chose suivante. Pour donner une idée du problème, en admettant que la masse d'un panneau solaire soit de quelques 20 kg par kilowatt, sans compter la structure, l'antenne, les miroirs, etc., une station de 4 gigawatts pèserait quelques 80 000 tonnes. Des conceptions hyper légères pourraient peut-être optimiser tout cela d'un facteur 20. Donc admettons qu'on doive envoyer 4000 tonnes pour une station d'une capacité de 4 gigawatts. Il faudrait entre 40 et 150 fusées pour envoyer le matériel en orbite basse, ou d'autres fusées plus légères prendraient le relais pour les placer en orbite géostationnaire. Ce processus à lui seul coûterait déjà 11 milliards de dollars pour la version légère et 320 milliards de dollars pour la conception classique. Tout ça pour 4 gigawatts. Et en comparaison, les centrales nucléaires ou à charbon reviennent à entre 3 et 6 milliards par gigawatt. Donc voilà, juste rien à voir. Bon, là, c'était probablement un calcul qui n'incluait pas les coûts cachés liés aux centrales, mais enfin, de toute façon, la différence est encore abyssale. S'il faut attendre un ascenseur spatial pour régler le problème, on peut encore attendre quelques années. J'ai mis un lien d'ailleurs sur le site de Science Étonnante qui vient de publier un billet sur l'ascenseur spatial. C'est un concept super intéressant. Bon, accessoirement, il faudrait entretenir l'installation qui serait soumise à des rayonnements violents, à des pluies d'astéroïdes, bref, à tous ceux dont nous sommes bien protégés ici-bas sur la Terre ferme. Et puis surtout, il y a la question de la transmission de l'énergie. Ce serait une grande première. Aujourd'hui, qu'on opte pour du laser ou du micro-ondes, on ne sait transmettre l'énergie que sur quelques kilomètres. Les expériences sont prometteuses, mais voilà, on a quand même des pertes importantes, et puis là, on parlerait d'une distance qui n'a juste rien à voir. Donc, l'avenir du photovoltaïque, il est peut-être en orbite, mais il est probablement plus proche de nous, peut-être dans les centrales solaires thermodynamiques. Donc ça, c'est une approche relativement nouvelle, qui consiste à collecter indirectement la lumière du soleil après l'avoir concentrée avec des miroirs. Donc, contrairement aux cellules photovoltaïques, les miroirs ne coûtent pratiquement rien à fabriquer, et on obtient de meilleurs résultats sans augmenter le nombre de cellules. C'est plutôt intéressant. Donc, à la place d'avoir des champs de panneaux solaires, on a des champs de miroirs qui réfléchissent tous la lumière en la concentrant sur un panneau, un bon panneau, quoi, qui est boosté pour supporter de la lumière aussi concentrée. Et puis peut-être que l'avenir se situe plus près de nous encore, dans nos vêtements ou dans nos rideaux. C'est à ça que je pensais tout à l'heure, Franck, par rapport à cette possibilité de tout recharger partout en permanence. Parce qu'effectivement, les panneaux solaires ne sont plus aujourd'hui condamnés à être noirs, moches et rigides. Enfin, noir, c'est quand même recommandé, parce que c'est la lumière qui absorbe le plus de photons, ce serait dommage de s'en priver. Mais je voulais parler des cellules de deuxième génération déjà. Donc ce qu'on appelle les cellules de deuxième génération, c'est les cellules à couche mince. Elles sont une évolution des cellules de première génération, elles sont aussi réalisées avec du silicium, mais en couche extrêmement fine. Elles peuvent aussi être réalisées avec autre chose que du silicium, d'ailleurs du tellurure de cadmium par exemple. Et la technologie est mûre, mais elle ne cesse d'être optimisée. On arrive encore et encore à l'améliorer. Et on sait maintenant produire des cellules à nanostructures qui ne dépassent pas quelques centaines de microns d'épaisseur. Alors, elle présente deux avantages et un inconvénient par rapport aux cellules de première génération, qui sont les grosses plaques de silicium qu'on a évoquées au début du dossier. Donc, elles sont évidemment nettement moins chères à produire parce qu'elles contiennent très peu de matières premières. et esthétiquement beaucoup plus intéressantes parce qu'elles peuvent être installées sur des substrats souples plutôt que sur du verre. Et certaines entreprises les conditionnent en nattes, par exemple. C'est assez génial pour voyager dans des zones reculées. On enroule simplement dans son sac à dos les tapis qui ressemblent comme ça à des bandeaux. Et puis on les dispose au soleil pendant les pauses pour recharger les batteries et faire bouillir l'eau du thé, par exemple. Ça, c'est pour les avantages. Et au niveau des inconvénients, bah, les rendements sont encore nettement moins bons. Mais évidemment, les cellules de ce type qu'on trouve dans le commerce atteignent des rendements de l'ordre de 9%. Mais c'est pas fini parce que la recherche continue et les prototypes atteignent 13% au laboratoire, donc la prochaine génération qui sera sur le marché. Et puis on arrive à des rendements de 20% encore dans les centres de recherche. C'est pas élevé, c'est encore moins élevé que les premières. Là. Je crois qu'au début tu citais jusqu'à 40%. Ouais, on était à 14-19, entre 14 et 19% pour celles qu'on trouve sur le marché. Et puis, dans les centres de recherche, on arrive à 42% pour les plus performantes qui utilisent plusieurs liaisons PN. Et la photosynthèse, tu sais combien c'est pour les plantes? J'ai regardé. C'est dommage parce que j'ai vraiment une mémoire catastrophique, mais je crois que c'est pas si rentable que ça, la photosynthèse. J'essaierai de retrouver, puis je posterai le lien. Je vais regarder là vite fait en pendant que tu parles. Ouais, ok, parfait. Et bon, le fer de lance de la recherche dans ce domaine, c'est un laboratoire suisse. C'est le PV Lab de l'EPFL, dirigé par Christophe Baïf, et basé à Neuchâtel en Suisse. J'en finis pas les cocoricos ce soir, à croire qu'il y a, je sais pas, je dois avoir un truc, une espèce d'attachement subi. Français, cocorico, ouais. Il y a que les Suisses là qui travaillent sur le photovoltaïque. Ouais, non, il y a plein de monde. Il y a les Chinois notamment qui bossent dessus comme des fous, mais c'est pas évidemment. Mais ils bossent dessus dans des caves, donc ça avance à la pas. Même étape du cycle de vie. Ouais. Mais ils reprennent les concepts suisses. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, bah, ce laboratoire, donc basé à Neuchâtel, repousse sans arrêt les limites de la technologie. Ils viennent, par exemple, en décembre dernier, en partenariat avec la R&D d'une boîte industrielle, d'atteindre un nouveau seuil dans l'efficacité pour cette technologie en atteignant un rendement de 21%. Et alors bon, 21%, c'est moins bien encore que ce qu'on arrive à faire avec les meilleures cellules de première génération. Mais il faut bien se dire aussi qu'il y a le ratio matière première efficacité a juste rien à voir. Elle coûte rien à fabriquer en comparaison, ces cellules qui obtiennent un 21% de rendement, d'où du coup c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis après on a les cellules de troisième génération. Alors elles sont encore plus intéressantes parce qu'elles ont réussi à se débarrasser du silicium et de la jonction PN et donc de la fameuse limite de Shockley-Queisser. Et là on a essentiellement trois approches. On a les cellules Gretzel, du nom de leur génial inventeur, le professeur Michael Gretzel, de l'EPFL aussi, toujours en Suisse. Donc c'est des cellules à pigments photosensibles qui s'inspirent justement de la photosynthèse. Et même si leur rendement est encore relativement faible, on en est à 12,3% aux dernières nouvelles, ben ils ne cessent de grimper et pourraient théoriquement atteindre 30%. Mais là, ce qu'il y a de vraiment super intéressant avec cette technologie, c'est que la cellule est composée que de matériaux complètement low-tech. Elle coûte pratiquement rien à produire. Alors le ratio efficacité-coût bat à plate couture celui de toutes les cellules en silicium. Et puis en Suisse toujours, on a à l'EMPA, donc c'est en Suisse alémanique cette fois, le professeur Ayodhya Tiwari, dont l'équipe a pulvérisé les records l'année dernière avec les cellules qu'on appelle CIGS. C'est des cellules à couche mince à base de cuivre, d'indium, de gallium et de disélénide, d'où leur nom, CIGS. Et ces cellules atteignent le rendement assez hallucinant pour ces dimensions-là de 18,7%. Et les fabricants de panneaux en silicium, bah, je pense que là, ils ont du souci à se faire, parce qu'on a des cellules de troisième génération qui font encore mieux que les cellules de deuxième génération, enfin, qui font pratiquement aussi bien que les cellules de deuxième génération et qui coûtent nettement moins cher à produire. Et puis enfin, toujours en Suisse, on a également le professeur Nusch qui travaille à l'EMPA, aussi, près de Zurich, qui dirige le laboratoire de polymères fonctionnels, et lui, ses travaux portent sur des cellules organiques. Alors ça, c'est encore une autre technologie. Non seulement elle se passe de silicium, mais en plus elle se passe carrément du panneau solaire. Ce qui veut dire qu'à partir de là, tout et n'importe quoi peut devenir solaire. Les vêtements, les écrans souples, les stores, les rideaux, dis-je. C'est encore assez éloigné du marché, et puis là le rendement est vraiment modeste, c'est quelques 5% pour le moment, mais c'est une approche drôlement prometteuse. Ah voilà, Pour conclure, parce qu'il faut quand même finir un jour, on aurait pu parler des politiques d'encouragement des énergies renouvelables et de mille autres choses encore, mais je pense qu'il aurait fallu pour ça un deuxième dossier. Pour conclure, je voudrais juste mettre un petit peu les choses en perspective, parce que là, on a parlé pendant un bon moment du photovoltaïque, mais finalement, qu'est-ce qu'il représente en proportion de l'énergie produite et consommée sur Terre? Alors, l'Agence internationale de l'énergie estime dans un récent rapport, c'est un PDF, il y a aussi le lien dans le dossier, que le photovoltaïque pourrait fournir 5% de l'électricité globalement consommée en 2030 et jusqu'à 11% en 2050. Ok, mais aujourd'hui on en est où? C'est la question que je me suis posée. Puis une fois encore, je me suis heurté à la difficulté de trouver des données fiables. Il y a ceux que fournit l'AIE justement sur son site web, mais il date de 2007. Il y a ceux de Wikipédia qui proviennent des stats de BP, British Petroleum. Donc j'ai mis les liens s'il y en a que ça intéresse. Mais bon, accessoirement, ils sont pas à jour non plus. Donc du coup, j'ai renoncé aux chiffres mondiaux, puis je me suis rabattu sur les chiffres français. Vous voyez quand même, je fais pas que des coucou suisses ce soir. Après tout, la France est un pays comme un autre, n'est-ce pas? Ah, Ouais. Et donc c'est très les bien. chiffres de 2010. Et puis l'intro du rapport, donc, est publié par voilà, je sais plus par qui il est publié, mais enfin c'est pas grave, il y a le lien, vous pouvez cliquer. Il est publié par les autorités, c'est un ministère quelconque, je me rappelle plus lequel maintenant. Et l'intro du rapport donne rapidement la perspective. En fait, la production nationale d'énergie primaire. Non, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Le photovoltaïque a triplé ces dernières années. Donc voilà, c'est des tendances qui rejoignent tout ce que je dis jusqu'ici dans le dossier. Mais il y a un grand mais, ça demeure totalement marginal. Puis effectivement, si on regarde la structure de la production totale brute d'électricité en France, bah, le photovoltaïque est beau dernier dans le tableau pour 2010. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 0,1%. Le photovoltaïque dans le gâteau de l'énergie électrique en France. Alors bon, c'est quand même nettement mieux que les 0,0% de 2009, mais quand même, il y a de la marge de progression. Mais c'est ouais, c'est à cause du nucléaire en fait, ça en France. Bah ouais, on a 1,7% pour l'éolien, qui est quand même plus avancé dans les énergies renouvelables. On a 11% pour le thermique classique, 11,9% pour l'hydraulique, et puis effectivement un fracassant 75,3%, 75,3% pour le nucléaire. Ouais. Voilà. J'ai encore Juste. mis. Oui, pardon. Ouais. Non, je vais attendre que tu aies fini, c'est pour revenir sur la photosynthèse, j'ai trouvé le rendement en fait. C'est 27%. Ok. Voilà, 27% pour la photosynthèse virgile. D'accord. Donc ça, c'est le fruit de 4 milliards d'années d'évolution. Voilà. On s'en sort pas trop mal finalement, je trouve, Donc c'est avec vrai, c'est de l'ordre Bah oui, d'une non, c'est clair. cellule photovoltaïque. Ouais. Non, Ouais, non, c'est clair qu'on s'en sort bien, ouais. Ah voilà, finalement, un tout dernier mot avant d'arrêter, j'ai encore mis une vidéo très sympa de Sai Shaw que j'ai trouvée pendant la rédaction du dossier, c'est en anglais, la présentation est juste excellente, j'aimerais bien réussir à faire de la vulgarisation comme ça, c'est hyper efficace, c'est super bien construit, mais attention, à mon avis, toutes les sources n'ont pas été scrupuleusement vérifiées, j'ai trouvé quelques erreurs justement en confrontant ce que j'ai vu là-dedans. D'abord, je me suis dit, waouh, c'est cool, quelqu'un l'a fait, et puis en fait, non, il fallait quand même creuser un petit peu pour certains chiffres. Mais vraiment cool, hein. Ça prend 10 minutes, ça vaut la peine. Et puis la vidéo est dans le dossier, il n'y a qu'à cliquer sur play. Et on a une Wally, chaîne YouTube Walou. maintenant. Oui, exactement. Donc tu l'as liké? Je crois que je l'ai liké depuis le compte Podcast Science. Je suis pas Voilà. sûr en fait. Si je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Autrement, comme c'est un dossier qui a pris pas mal de temps, on devrait peut-être passer à la suite. Ouais, bah écoute, Moi ça merci va, j'ai pas de Alan questions. pour ton dossier. Je pense que ça éclaircit pas mal de choses. C'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le photovoltaïque. Donc moi personnellement, je ne connaissais pas grand-chose, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et je me sentirais un peu moins bête maintenant quand j'entendrai parler de photovoltaïque. Ouais, on est deux. Moi, j'y connaissais pratiquement rien non plus avant d'attaquer le dossier. Et puis, bah, c'est vrai, c'est bien de comprendre comment ça marche. Et puis, que comme toujours, quoi, de réussir à faire la différence entre ce qu'on entend qui est pas toujours fondé, et puis d'un bord comme de l'autre, et la réalité. Ok, bon, on va enchaîner alors avec la suite, puisque puisqu'il nous reste 10 minutes. Donc juste pour vous annoncer que sur le site de Podcast Science, vous pourrez voir l'illustration de Lucille, donc qui est en rapport avec le sujet d'Alan de ce soir sur le photovoltaïque. Donc allez-y, vous pouvez jeter un coup d'œil, elle est bien sympa. Si vous voulez avoir une idée de à quoi ressembleront les jeunes dans quelques années, quand le photovoltaïque sera bien développé. Ouais, pour ceux qui ne vont jamais sur le site, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'est abonné au podcast, finalement, on l'écoute sur son téléphone, puis il n'y a plus tellement de raison d'y retourner. Donc l'adresse, on peut peut-être la redonner, c'est podcastscience.fm, tout collé, tout en minuscules, sans trait d'union, sans rien du tout. Et puis Marco, tu vas nous parler de ton sujet de la semaine prochaine ? Oui, ben on va passer donc au 1 minute pitch. Donc je vais parler du sujet de la semaine prochaine. Donc même si le dossier d'Alan de ce soir a permis de briser la série touchant la biologie, pour rester dans le même esprit et continuer à diversifier au mieux les thèmes abordés dans Podcast Science, j'ai donc choisi pour le prochain podcast un sujet qui permettra de parler, entre autres, de physique, tout en gardant un rapport avec le sujet de l'évolution. Le prochain dossier donc portera sur les principes physiques à la base des méthodes de datation. Peut-être que vous êtes déjà demandé comment il était possible de dater des terrains et situer des fossiles dans le temps, avec une bonne précision. Ou peut-être encore aimeriez-vous savoir ce qu'est la dendrochronologie. Si c'est le cas, alors je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour obtenir une réponse simple mais précise à ces questions. Magnifique. La dendrochronologie, ça le fait. Cool. Ouais, ça le fait. C'est pas facile à placer dans une conversation, mais... Ouais, c'est toujours un petit défi. Ok, donc sinon, au niveau de la vie du podcast, pour nous dire, Alan, bah, ou peut-être Franck, tu veux nous en dire un mot? Non, on a perdu Franck, alors j'y vais. Ah pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. D'accord, c'était par rapport à la vie du podcast, les quelques petits changements. Donc on a, c'est Franck qui a fait tout ça. On trouve sur la homepage du site, sur la droite, un petit sondage qui permet de voter pour les futurs sujets. On en a proposé quelques-uns, donc allez-y. Vous pouvez les aimer ou ne pas les aimer, puis on tiendra compte de l'opération pour les traiter. On a depuis quelques temps une chaîne YouTube aussi. Alors en fait, c'est pas de la vidéo qu'on publie sur YouTube, c'est juste les podcasts en version audio, mais voilà, pour ceux qui préfèrent consommer là-bas, c'est possible. Et puis, on voulait encore vous dire que Newiz rediffuse depuis 3 semaines les anciens épisodes du podcast en partant du numéro 1. Donc c'est la même adresse, hein, Ça se passe sur Newiz, là où vous écoutez le live actuellement pour ceux qui l'écoutent, sauf que c'est le dimanche à 19h. Et ce dimanche 29 janvier, ce sera Podcast Science numéro 4, des salamandres et des feux rouges, où Mathieu parlait des capacités de régénération des feux rouges, des salamandres, et moi je parlais du daltonisme et de génétique mendélienne. Voilà pour ce genre de petites annonces. Ok. Bon. On a une question de Christophe dans les commentaires, Alan. Oui. Par rapport à ton dossier. Alors, il demande pourquoi les panneaux sont reliés en série et non en circuit parallèle. Est-ce que tu aurais la réponse? C'est une excellente question. Ouais, je trouve aussi que c'est une excellente question, oui. J'en sais rien du tout. J'imagine que c'est parce qu'ils produisent pas un voltage énorme, en fait. Et que si on veut arriver à des voltages intéressants, il faut probablement les câbler en série. Mais j'en sais rien. Je vais me renseigner, j'essaierai de répondre la semaine prochaine. Ouais, moi non plus, j'ai pas l'idée qui me viendra en tête comme ça. D'ailleurs, je dis que je vais me renseigner. Si quelqu'un parmi nos auditeurs a la réponse, surtout n'hésitez pas par commentaire ou par comme vous pouvez, comme vous voulez, n'hésitez pas à nous envoyer la réponse et puis on diffusera la semaine prochaine. Ok. Sinon, Franck, tu avais peut-être une news à nous faire partager? Ouais, j'ai quelques news. Si on a le temps, je peux en caser une ou deux. Oui, Alors, il y avait oui. donc. Alors, j'avais un article paru dans le BMC Evolutionary Biology. Donc, c'est d'un chercheur Alban Lemasson. C'était pour revenir. Enfin, ça concerne un peu mon dossier sur la mémétique, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. En fait, il a montré que chez les singes, en fait, il avait étudié la manière de les vocables des singes parce qu'ils s'expriment un peu par des cris. Et il avait montré qu'en fait, les singes qui étaient plus fréquemment ensemble, il a montré dans cet article en fait que les singes qui sont plus fréquemment ensemble, ils s'imitent dans leurs cris. Donc voilà, c'était parce que ça m'avait, par rapport à mon dernier dossier sur la mémétique, en fait, il a démontré qu'en fait, il y avait une imitation linguistique chez les singes, ce qui n'avait pas été montré jusqu'à présent. Voilà. Excellent, ça me plaît Ouais, beaucoup. mais je trouve pas ça forcément étonnant en fait. Je pense que ça doit être général chez les animaux. Nous, on a tendance aussi à s'imiter ou à imiter un peu les personnes que l'on fréquente, c'est à parler Ouais. comme eux. Ah oui, bah oui. En fait, ça s'appelle la convergence vocale, en fait. C'est Voilà, effectivement donc. quand tu vois deux personnes qui sont tout le temps ensemble, bah tu vas retrouver des petits éléments de langage que tu retrouves chez l'autre aussi, quoi. Oui, donc je pense pas que ça soit spécifique à l'homme. Hein. Donc Non, je suis bah pas ouais. étonné par ta news, ça me semble bien probable. Ah bon. Ouais, cool. T'avais autre chose? Ouais, j'en ai d'autres, ouais, si on a encore le temps. C'était donc à propos de la seconde intercalaire. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, c'est à Genève que ça se passe et on est en train de discuter pour savoir si on va ou non rajouter une seconde à notre horloge. Donc, pour les petites explications, en fait, c'est que le temps, notre calendrier, il est calé sur l'horloge atomique. En fait, on calcule le temps à partir des désintégrations de noyaux. Enfin, bon, c'est des principes de physique assez poussés. Et la Terre, elle tourne un petit peu moins vite, elle ralentit à cause de l'influence de la Lune et puis d'autres paramètres de astro, on va dire. Et donc en fait, la question c'est de savoir est-ce qu'on doit rester calibré sur la rotation de la Terre ou est-ce qu'au contraire on doit laisser le temps s'écarter de la rotation de la Terre. Et donc si on le laissait s'écarter, on pourrait arriver à un écart de 1 heure dans 600 ans. C'est-à-dire que par exemple, au lieu que le soleil se couche à environ 17-18 heures en hiver, il se coucherait. Donc ça serait 1 heure plus tôt, ça serait 16h-17 heures. Ouf, là, ouais, alors moi Voilà. je vote pour la seconde Ouais, intercalaire. mais c'est dans 600 ans, donc ça sera pour tes descendants. Et donc de Ouais. manière amusante, je sais pas pourquoi, mais c'est dans un article dans Science et Avenir que j'ai lu ça. Pour garder cette seconde intercalaire, il y aurait la Grande-Bretagne et la Chine. Et contre, pour la supprimer, il y aurait les USA et la France. Alors, je ne sais pas pourquoi chacun doit avoir des intérêts quelque part. Le problème majeur, c'est qu'il y a les systèmes de télécommunication qui sont en calibre, les GPS, tout ça, et ça pourrait risquer de les déstabiliser, quoi. Enfin, ça doit créer des bugs ou je sais pas. Ouais, sans doute. Mais voilà. Donc, je trouvais cette news amusante. Donc, de toute manière, la décision a été reportée à 2015 pour une application vers 2017 ou 2018. Donc, on a encore le temps avant de se voir ajouter une seconde. Voilà, Ok, voilà. bon, on y survivra. Et puis, bah, je pense pas qu'on ait tellement le temps pour d'autres news. Moi, je voulais juste faire encore un petit plug que j'étais censé faire la semaine dernière et puis on n'a pas eu le temps. C'est pour le portail ResearchGate. Donc, on le trouve à l'adresse Research, ResearchGate. Comme un portail GATE, tout en un mot, point net. En fait, c'est une espèce de Facebook scientifique. Donc, c'est les outils du web 2.0 au service de la science. On trouve les profils scientifiques des participants, on trouve l'agenda des événements, des bourses d'emploi. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on trouve les articles scientifiques qui proviennent de 7 bases de données différentes. Donc, c'est une mine d'or, ce truc-là. C'est vraiment très cool. Donc, researchgate.net, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Ok, très bien. Bon, mais il nous reste plus beaucoup de temps, alors on va passer à la traditionnelle cote. Donc, Franck, tu as une cote pour ce soir, il paraît. Ouais, j'en ai trouvé une que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc c'est une citation de Michel Audiard et qui dit « Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière. » Ah ouais, ça me plaît bien. Et puis, je vous propose qu'on ne disserte pas dessus tout de suite, parce que Hélène a également une quote et on n'a plus beaucoup de temps. Oui, ouais, alors c'est de Roland Barthes. Quand on m'explique les mathématiques, je perds pied dès le premier mot. En physique, je comprends la première phrase. En biologie, j'ai compris l'essentiel du message. Et en sciences humaines, c'est chacun donne son avis. Voilà. Ouais, c'est un peu vache sur les sciences humaines, mais ouais. Sur le reste, je suis assez d'accord, ouais, malheureusement. Elle est sympa aussi. Ouais, très sympa. Bon, eh ben, on arrive au bout, hein. Pour une fois, on est un peu en temps et en heure. Ouais, ouais, effectivement. Il nous reste juste très bien temps présenté, hein, Marco. De se dire merci, merci Franck. Ouais, puis finalement, on va te garder comme médecin. Ouais, c'est clair, ouais, il était ouais. Réticent, mais. Ouais, ben on va en discuter. Hein. Non, t'as voilà. Fait ça très bien, c'était magnifique. Bon, merci. Ok, bon, c'est le temps de se dire au revoir. Hein. Alan, super dossier aussi. Hein. Ah, merci, merci. Allez, on arrête les auto-congratulations, on va débriefer, voilà. Voir ce qu'on peut améliorer. Il faut qu'on s'améliore sans cesse. Les amis, bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.